d'abord le silence, puis le sable, puis les souvenirs. Je suis entré dans ce monde sans nom, un monde qui respire avec lenteur. Les pas crissent les dunes soupirent, et mon souffle devient mémoire. Et parfois je l'entends.